Comment bien visiter tes appartements, comment ne rien oublier pendant ta visite, pendant le petit quart d'heure que tu as pour noter tous les points qui vont pour voir si tu vas faire une offre, si tu vas aller plus loin. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable et à passer à la vitesse supérieure. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques et tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, comment bien visiter un appartement? Comment ne pas perdre de temps? Aller directement à l'essentiel. Je vais te donner trois actions à mettre en place dès ta prochaine visite. Action numéro 1, elle est assez simple, mais je vois beaucoup de personnes oublier de la faire. Et je le dis assez fréquemment, c'est tu montes par l'ascenseur, s'il y en a un, et tu descends par la cage d'escalier. Souvent, on monte par l'ascenseur, on descend par l'ascenseur et on ne voit pas la cage d'escalier. C'est super intéressant de voir la cage d'escalier pour savoir si l'immeuble est bien entretenu, pour savoir s'il n'y a pas des squats à un certain étage, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et voir s'il n'y a pas quelques fissures un peu cachées dans les appartements et du coup tu peux les voir un peu plus dans la cage d'escalier. Donc on monte par l'ascenseur, c'est moins fatigant, et on descend par les escaliers. Et on observe, voilà, s'il n'y a pas des fissures un peu bizarres, s'il n'y a pas des portes un peu bloquées, voilà, un peu en mode détective. Action numéro 2, c'est que tu vas directement te focaliser sur les postes qui peuvent être chers. Toiture, ravalement, électricité, plomberie, fenêtres. Si tu as 10 fenêtres, 8 fenêtres à changer et que c'est parce que c'est du simple vitrage, c'est un poste important. Si l'électricité n'est pas aux normes, poste important. Si une toiture, la toiture n'est pas vraiment top et que tu vas devoir la faire soit maintenant, soit dans les 5 ans, poste important. Ravalement, pareil. Est-ce que je suis dans une zone protégée? Est-ce que je vais devoir passer par les architectes de France si jamais j'ai un ravalement à faire, une toiture à faire? Toutes ces questions-là, tout de suite, quand je visite, soit j'ai la réponse, soit je pose la question à l'agent immobilier ou au vendeur directement pour savoir exactement, voilà, est-ce que j'ai un gros poste qui peut potentiellement rendre un bien rentable, le rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rentable. Donc ça, c'est l'action numéro 2. Et l'action numéro 3, c'est d'avoir toujours ta checklist des points à vérifier quand tu es en visite. Donc je te propose, je vais te mettre le lien vers ma checklist. Je te propose de la télécharger gratuitement, c'est cadeau. Donc tu me mettras juste ton prénom et ton email et je t'enverrai cette checklist. Donc tu as une partie pour avant la visite, donc quand tu appelles ton agent immobilier ou le vendeur, poser les questions pour savoir en gros si tu y vas ou si tu y vas pas. Ensuite, tu as une série de choses à vérifier pendant la visite et ensuite tu peux attaquer bien évidemment ta négociation si le bien te convient. C'est important d'avoir toujours cette checklist parce que souvent dans l'euphorie, imagine que ce soit un bien qui te convienne et en fait tu vas potentiellement tu auras du mal à rester objectif et tu vas oublier certains points parce que tu auras trouvé par exemple la déco super et ça va être perturbé et tu vas oublier d'aller voir en fait s'il n'y a pas les problèmes d'humidité, si c'est bien aéré, s'il y a bien une VMC qui est correct. Résumons les trois actions à mettre en place dès ta prochaine visite. L'action numéro 1, tu montes par l'ascenseur, tu descends par l'escalier. L'action numéro 2, tu vas relever tout de suite, tu vas relever les postes qui peuvent être le plus élevés en travaux. L'action numéro 3, tu vas avoir toujours ta checklist sur toi pour n'oublier aucune question et pouvoir vraiment te positionner dans les meilleures conditions. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like, à la partager à des amis investisseurs, des personnes qui sont intéressées pour réellement faire des investissements rentables, gagner de l'argent avec l'immobilier. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, tu appuies sur le petit bouton s'abonner. Il y aura une petite cloche. Tu appuies bien sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je publie de nouvelles vidéos. J'en publie environ 2-3 par semaine. Et puis, mets-moi un commentaire pour me dire si tu vois d'autres actions importantes et si tu es d'accord avec les actions que j'ai mises. Et est-ce que tu appliques ces actions dans tes visites? Est-ce que ça t'a servi à un moment pour éviter un piège, éviter une mauvaise affaire? Donc, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je te dis de passer à l'action, porte-toi bien. Ciao, ciao!